Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashahadu an la ilaha illallah. Iqararan bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع, حياكم الله. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Et dans le cours dernier, nous avons vu une parabole qui se trouve dans Sourate An-Nur, donc Sourate la Lumière. Et aujourd'hui, nous allons étudier, Inch'Allah Ta'ala, deux autres paraboles de la même Sourate, c'est-à-dire Sourate An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 39 et 40: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. الله سبحانه وتعالى الجي Selon la traduction rapprochée, quant aux œuvres des mécréants, elles sont semblables à un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Lorsqu'il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'en est rien et ce qu'il trouve, c'est Allah qui le rétribue pour ce qu'il aura commis. Allah est prompt à demander compte. Leurs œuvres sont encore semblables aux ténèbres d'une mer profonde, recouverte par des vagues, que viennent chevaucher d'autres vagues au-dessus desquelles se dressent d'épais nuages, ténèbres sur ténèbres, si bien que celui qui tend la main peut à peine la distinguer. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Donc ces deux paraboles concerne la fausseté des actions des mécréants et leur grande déception le jour du jugement concernant celle-ci. Et avant de rentrer dans l'explication de ces deux paraboles, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très important. Car comme on l'a mentionné précédemment, ces paraboles concernent les actions des mécréants. Et avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les actions des croyants. Et dans cela, nous tirons un procédé qui est très fréquent dans le Coran. En effet, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les caractéristiques des croyants. Ensuite, après cela, il mentionne les caractéristiques des mécréants. Et pareil pour le paradis et l'enfer. Souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il mentionne les caractéristiques du paradis, après cela, il mentionne les caractéristiques de l'enfer. et nous retrouvons fréquemment ce procédé dans le Coran. Prenons par exemple les versets 71 et 73 de Sourate Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ensuite Allah il dit: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. Jusqu'à la fin des versets. Donc dans le verset 71 à 73 de Sourate Az-Zumar, Allah il dit: ceux qui auront mécru seront conduits par groupes successifs vers la Guéhenne. Dès qu'ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens diront: des messagers pris parmi vous, ne sont-ils pas venus vous exposer les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour? Ils répondront oui, mais la sentence du châtiment s'est accomplie contre les mécréants. On leur dira: franchissez les portes de la Guéhenne, où vous demeurez éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc l'entrée en enfer des mécréants. Et ensuite directement, qu'est-ce qu'il dit selon le sens? Quant à ceux qui auront craint leur Seigneur, ils seront conduits par groupes successifs vers le paradis. Lorsqu'ils y parviendront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur diront: voilà, vous voilà préservé de tout mal, jusqu'à la fin du verset. Donc, ici on voit ce procédé. Ici on voit ce procédé, Allah il mentionne, d'accord, l'entrée du paradis des mécréants directement. Ensuite il mentionne après l'entrée, ou plutôt, l'entrée en enfer des mécréants. Ensuite il mentionne directement l'entrée au paradis des croyants. Et ici, je ne vois aucun mal à ce qu'on mentionne la différence entre l'entrée des mécréants en enfer et l'entrée des croyants au paradis. Même si, bien sûr, ce n'est pas le thème de ce cours, mais cela, Inch'Allah ta'ala, nous fera un rappel à tous, surtout que le rappel profite aux croyants. Donc, il faut tout d'abord savoir que les deux versets qui parlent de ce sujet sont quasiment identiques. Mais la seule chose qui les différencie, c'est une particule qui est en arabe ce qu'on appelle le waou, d'accord, qu'on traduit généralement en français par « et ». Et donc lorsqu'on lit les deux versets en arabe, cette particule attire notre attention. Par exemple, dans le premier verset, Allah dit: وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des mécréants. Il dit: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Et lorsqu'il parle des croyants, c'est le même verset, il dit: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. Mais ici, il dit: وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Donc on voit ce qui change, c'est un waouh. Et ce waouh là, il est très important car il fait toute la différence. Il fait toute la différence. D'accord? Et c'est pour cela donc que le grand savant Cheikh Abdelrahman ibn Sa'di, d'accord, il nous dit que ce waouh là, il indique qu'à partir du moment où les mécréants, ils arriveront devant les portes de l'enfer, ils s'ouvriront directement. C'est-à-dire à partir du moment où les mécréants, ils vont être conduits devant les portes de l'enfer, les portes de l'enfer, ils s'ouvriront directement. il n'y aura pas d'attente. Donc ça, c'est pour l'entrée en enfer des mécréants. Alors que les croyants, le cheikh nous dit qu'ils ne rentreront pas tout de suite au paradis. Car pour rentrer au paradis, ils ont besoin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède. Et donc les portes ne s'ouvriront pas directement lorsqu'ils y arriveront. Donc fin de citation selon une traduction approximative. Donc la différence est que les mécréants, ils n'auront aucun répit dans l'au-delà. Ils n'auront même pas le droit de souffler, ne serait-ce que quelques secondes avant d'entrer en enfer. Car leur repos était dans la vie d'ici-bas. Mais leur polythéisme, leur mécréance et leur désobéissance leur ont valu un châtiment douloureux. Au contraire des mécréants, qui eux attendront avant de rentrer au paradis. Ils ne rentreront pas directement, car ce qui les attend est immense. Il y a pour eux au paradis ce qu'aucune oreille a entendu et ce qu'aucun œil a vu. Et donc, ils rentreront après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède, d'accord, pour qu'ils rentrent au paradis. D'accord, donc ça, c'est la différence entre les mécréants et les croyants. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter le paradis. Donc concernant cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala le dit selon la traduction rapprochée, quant aux œuvres des mécréants, elles sont semblables à un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Lorsqu'il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Et ce qu'il y trouve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le rétribue pour ce qu'il aura commis. Donc c'est-à-dire que les œuvres de ceux qui ont renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et démenti le Coran et ce qu'il y contient sont semblables un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Donc l'assoiffé qui se trouve dans un désert, comme les savants ils ont mentionné, il s'imagine des choses que lui seul est capable d'imaginer, telles que de l'eau en plein désert. Et ceci est dû à son énorme soif. Et donc, lorsqu'il aperçoit cette eau qui en vérité n'en est pas, son cœur est rempli d'espoir. Et il presse le pas pour pouvoir profiter de cette eau. Et il met tous ses espoirs dans cette eau. Puis lorsqu'il y parvient, il s'aperçoit qu'il n'en est rien. Il regrette donc. Et sa soif augmente car ses espoirs se sont brisés. Et donc ce mirage est comparable à ses actions. Car l'ignorant qui regarde l'action du mécréant, d'accord, pense qu'elle est bonne. Et il pense aussi qu'il en tirera profit. Et il est dupé par l'aspect de son action. Et l'auteur, c'est pareil. L'auteur de ses actions pense qu'ils lui seront profitables. Et il a grand besoin de ses actions. Et il en est dépendant. Tout comme l'assoiffé a besoin d'eau. Et donc, Yom al-Qiyama, le jour du jugement, il se rendra compte que ses actions ne représentent rien du tout. Il se rendra compte, Yom al-Qiyama, que ses actions ne représentent rien du tout. Comme la soifée, qui lorsqu'il parvient donc à cette chose qu'il pense être de l'eau, il se rend compte que, en vérité, ça ne représente rien du tout. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ce qu'il trouve, c'est Allah qui le rétribue pour ce qu'il aura commis. C'est-à-dire, il trouvera devant lui le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prévu pour les mécréants. Donc ça, c'est concernant l'explication de cette parabole. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la deuxième parabole, donc dans le verset qui suit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Aw kadhulumatin fi bahrin lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. » Il dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, leurs œuvres sont comparables aux ténèbres d'une mer profonde, recouverte par des vagues que viennent chevaucher d'autres vagues au-dessus desquelles se dressent d'épais nuages, ténèbres sur ténèbres, si bien que celui qui tend la main peut à peine la distinguer. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que les œuvres des mécréants sont semblables aux ténèbres d'une mer profonde, recouvertes donc par des vagues. Et au-dessus de ces vagues, il y a des nuages épais. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné trois types de ténèbres. Premièrement, les ténèbres de la mer. Et plus la mer est profonde, et plus elle est ténébreuse. Deuxièmement, il a mentionné les ténèbres des vagues. Et troisièmement, il a mentionné les ténèbres des nuages. Et certains exégèses ont mentionné un lien de ressemblance. Et ils nous ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné trois types de ténèbres. Donc comme nous l'avons mentionné précédemment, ténèbres de la mer, des vagues et des nuages. Car les mécréants ont trois types de ténèbres. Car les mécréants ont trois types de ténèbres. Les ténèbres, donc de leurs croyances, les ténèbres de leurs actions et les ténèbres de leurs paroles. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par la suite, selon la traduction, ténèbres sur ténèbres. Et ici, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ténèbres sur ténèbres, telle est la situation du mécréant. Car le mécréant est dans l'obscurité totale. Il est dans les ténèbres du kufr, de la mécréance. Il est dans les ténèbres du jahl, c'est-à-dire les ténèbres de l'ignorance. Aussi, ses actions ne sont que ténèbres. Et il est aussi dans les ténèbres de l'égarement. Et sa tombe ne sera que ténèbres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ? Ténèbres sur ténèbres. Comme cette mer, donc, elle est ténébreuse. Et aussi, il y a les vagues qui sont aussi ténébreuses, et aussi il y a ces nuages qui sont aussi ténébreux, telle est la situation aussi du mécréant. Comme on a mentionné, il est dans l'obscurité totale. Il est dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance. Ses actions ne sont que ténèbres. Il est dans les ténèbres de l'égarement. Et dans sa tombe aussi, sa tombe ne sera que ténèbres. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de cette parabole, il dit, selon la traduction, « Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. » C'est-à-dire, celui qu'Allah ne guide pas, il ne sera pas guidé. Et celui dont Allah ne veut pas se guider vers la lumière du Coran et à qui il n'a pas accordé la réussite d'être guidé vers la foi, il n'aura pas de lumière. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons le secours. Donc après avoir fait une brève explication de ces deux paraboles, on va mentionner quelques enseignements de celles-ci. Le premier enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, c'est que le mécréant ne tient sur rien. Il place ses espoirs dans ce qui ne lui est pas profitable. Et il s'attache aussi à celui qui, ou plutôt à ce qui ne lui sert à rien. Et la première parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée avec le mirage illustre bien cela. Car l'assoiffé, après avoir vu ce mirage, il va s'y attacher et y mettre tous ses espoirs. Pourtant, ce n'est pas une chose réelle et une chose qui peut lui profiter. Tout comme le mécréant, dont le cœur est attaché à ce qui ne peut pas lui être profitable. Et nous avons un très bon exemple dans l'histoire du prophète Nuh, alayhi salam, avec son fils. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 42 et 43 de Surat Hud, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, et elle vogua en les emportant au milieu de vagues aussi hautes que des montagnes. Nuh appela son fils qui se tenait à l'écart. Mon enfant, embarque avec nous et ne reste pas avec les mécréants. Qu'est-ce que son fils il lui a dit ? قال الله سبحانه وتعالى قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Il lui a dit, je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. Et son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? قال الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله. Allah سبحانه وتعالى, donc il a dit que Nuh, il lui a répondu, nul n'échappera aujourd'hui à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pensait qu'une créature telle que la montagne pouvait le sauver de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'y est attaché. Mais malgré ça, il a fait partie des gens qui se sont égarés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas sauvé. Alors que le muwahhid, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui associe rien, lui, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a un problème, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il veut une chose, il espère en Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la voie des muwahhidin. Telle est la voie de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Mais la voie des kuffars, c'est s'attacher à des gens qui ne leur sont pas profitables. Et s'attacher à des choses alors que ces choses-là ne peuvent pas leur être profitables. Wallahu musta'an. Le deuxième enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut guider. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas guidé, alors personne d'autre ne pourra le guider. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc avec ça, on a fini donc l'explication de ces deux paraboles. Et demain, inshallah, on fera l'explication de la parabole qui se trouve dans sourate Al-Ankabut. Na'am. Inshallah ta'ala.